des étrangers. Je l'ai croisé un soir, sourire bien trop caché, trahi par un regard posé sur les visages, cherchant comme un message derrière le mur de mon cœur. Elle a su voir de la chaleur. On a marché sur les plages, de rêves, de vie d'ailleurs. Parenthèse sur le rivage de nos faiblesses et de nos peurs. Vent du soir comme une caresse, douceur d'une promesse. On est arrivé sans y croire, vague de lune, reflet d'espoir. Viens dans ma cour, dois bien me rester quelque part. Un peu d'amour, du genre que le monde tourne autour, du genre qui coule sur nos lèvres, du genre qui brille quand au petit jour, dans un sourire, il y a de la lumière. Au pas des étrangers, on s'est croisé un soir, sourire qu'on reconnaît, partager nos regards, faiblesse quand on donne, force de recevoir, au coin d'une rue d'automne, quelquefois une fleur s'égare. Viens dans ma cour, dois bien me rester quelque part. Un peu d'amour, du genre que le monde tourne autour, du genre qui coule sur nos lèvres, du genre qui brille quand au petit jour, dans un sourire, il y a de la lumière. Au pas des étrangers, je vais souvent le soir boire un verre, on ne sait jamais. Des fois, qu'il y ait un regard, assis seul face à la glace, je prie pour que la vie passe, que sur les hommes le soleil veille, et je prie surtout pour qu'elle revienne.